souffle chaud me brûle la peau. Chaque mot pèse, chaque mot est fardeau. Tes lèvres glissent, mes yeux se ferment. Chaque frisson m'enchaîne, m'affirme. Riders Kill me tient dans sa voix. Sa chaleur grave me consume et me ploie. Nos deux murmures serrent la nuit. Chaque désir devient tainted. Touch the darkness. Feel the flame. Whisper slowly. Call my name. Through the night. Hearts collide. Ride a skill right by my side. Born of passion. Carved in stars. Written in shadows. Heart. We are ride a skill eternal. And our voices break the dark. Chaque mot brûle, interdit, muet. Je sens ta force, je plie encore. Chaque note franchit le décor. Rider's Kill m'attache dans la nuit. Sa voix rauque me tient à l'infini. Nos murmures vibrent dans l'air. Chaque désir éclate en lumière. Nos voix frappent, nos corps s'élancent. Chaque vibration devient jouissance. Sous les néons, la fièvre éclate. Rider's Kill règne brutal au pas. Touch the darkness. Feel the flame. Whisper slowly. Call my name. Through the night. Hearts collide. Rider's Kill right by my side. Voices break the dark. Sous ton souffle, je me perds encore. Chaque vibration me fait plus fort. Red skin brûle dans mes veines. Un chant charnel, une douce chaîne. Rider's Kill. Rider's Kill.